إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah, nous le louons, nous lui demandons pardon, et nous lui demandons refuge contre le méfait de nos âmes et le méfait de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne pourra le guider. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous les croyants, craignez Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et que par cet être, il a créé de cet être beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et craignez Allah, dans lequel vous vous demandez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentés. Certes, Allah, il est très proche de vous, dans le sens du verset. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous les croyants, craignez Allah et dites de bonnes paroles afin qu'Allah il améliore vos œuvres, et celui qui obéit à Allah et son messager, il aura certes réussi d'une grande réussite, dans le sens du verset. Amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. La meilleure des paroles, c'est la plus véridique des paroles et la parole d'Allah, et la meilleure des guidées est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses dans la religion est l'invention, et toute invention dans la religion est une innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène vers l'enfer. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabih, Allah dit dans son livre, Am hasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah dit dans son livre, est-ce que vous croyez qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas retourner vers nous? Donc Allah nous informe dans ce verset-là qu'il ne nous a pas créé pour rien du tout et qu'il ne nous a pas créé en vain et qu'on va tous retourner vers lui. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas compris ce verset-là. Ils se sont écartés de ce verset-là et ils sont partis vers la dunya. Et Allah dit, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر من ربي محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Allah dit dans ce verset, اقترب للناس حسابهم, le jugement des hommes il est proche, وهم في غفلة معرضون, et ils sont dans l'oubli, ils s'écartent de ces versets là ما يأتي من ذكر من ربي إلا استمعوا محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Il n'y a pas un nouveau rappel de leur Seigneur qui vient vers eux sans qu'ils soient en train de s'amuser. Donc les gens, ils s'amusent et s'écartent de la religion d'Allah et s'écartent de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont partis vers la dunya, ils sont partis vers la désobéissance d'Allah azza wa jal, alors qu'Allah a dit wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Et mets-les en garde du jour de la grande tristesse, alors qu'ils sont dans l'oubli et ils ne sont pas des croyants, dans le sens du verset. Donc les gens, faut qu'ils reviennent vers leur religion, ils reviennent vers la vérité, ils reviennent vers le Coran et vers la Sunna, s'il veut pas être parmi les gens qui sont dans l'oubli, car les gens qui sont dans l'oubli dans cette vie-là, ils seront oubliés aussi dans l'au-delà. Allah il dit, il dit, ils connaissent les bienfaits de cette vie-là dans le sens du verset, et ils sont dans l'oubli de l'au-delà. Les gens, ils ont préféré cette vie-là à l'au-delà, alors que l'au-delà, elle est meilleure que cette vie-là. Allah il dit aussi dans son livre, Allah dit, laisse-les s'amuser et laisse-les se distraire jusqu'à ce que le jour où ils vont retourner vers nous, il va arriver. Donc les gens, ils sont écartés du dîn, comme on l'a dit. Ils sont partis vers la dunya, ils se sont écartés de la religion d'Allah. Mais le jour où ils vont revenir vers Allah, ils vont tous regretter. Ils vont regretter de pas avoir appliqué le verset où Allah il dit, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns, les démons et les êtres humains que pour qu'ils nous adorent, que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah il nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a pas créés pour qu'on s'amuse dans cette vie-là et qu'on s'écarte de sa religion. Allah il dit dans un verset, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinatuha, nuwaffi ilayhim a'malahum wa zinataha. Allah dit dans ce verset, il nous informe que celui qui préfère cette vie-là à la vie de l'au-delà, Allah il va lui donner de cette vie-là, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants, dans le sens du verset. Allah il dit aussi, Man kana yuridu al-hayata, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Celui qui veut cette vie-là, on va lui donner de cette vie-là, mais on va lui donner que de ce qu'on veut. Donc Allah, il va lui donner à cette personne-là de cette vie-là. Il va lui donner le bienfait de cette vie-là, et cette personne-là, يوم القيامة, il sera parmi les perdants, il sera parmi les gens qui vont regretter et qui vont pleurer, et encore pire que ça sera parmi les gens de l'enfer. Parce qu'Allah, il dit, ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Celui qui est dans cette vie-là, il est aveugle. Il est aveugle des versets d'Allah. Il est aveugle de la religion d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien dans l'au-delà aussi, il sera parmi les aveugles. Allah, c'est pour ça qu'il dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui s'écarte des versets d'Allah et du rappel d'Allah, on va lui dire, il aura une vie dure. Cette personne-là, elle aura une vie dure. On a chouru yawm al-qiyamati a'ma. Et le jour de la résurrection, on va le ressusciter, il sera aveugle. Il sera aveugle le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il va dire? Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Il va dire, oh Allah, pourquoi tu m'as fait ressusciter aveugle alors que j'étais parmi ceux qui voyaient? Allah, il va lui dire, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah il va lui dire, nos versets sont venus vers toi et tu les as oubliés. Dans le sens, ça veut dire qu'il les a laissés tomber. Et aujourd'hui aussi, on va t'oublier. Dans le sens, c'est que Allah il va le laisser tomber. Allah il va laisser tomber cette personne-là le jour de la résurrection et il sera parmi les gens de l'enfer. Allah il dit aussi dans les versets, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Les gens de l'enfer, ils vont pleurer, ils vont regretter. Ils vont crier, ils vont demander aux gens du paradis de leur donner de l'eau ou bien parmi les choses qu'Allah leur a données. Et les gens du paradis vont leur répondre, ils vont leur dire, Inna Allah hamaramuhum ala al-kafirin. Allah il les a interdits à ceux qui ont été mécréants. Alladhina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Ceux qui ont pris leur religion comme jeu et amusement. Wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya. Et qui se sont fait tromper par la vie d'ici-bas. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نُرْسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Et aujourd'hui, on va les oublier comme ils ont oublié ce jour-là. Donc Allah, il va laisser tomber ces gens-là comme eux-mêmes, ils ont laissé tomber la religion d'Allah quand ils étaient dans cette vie-là. Mais celui qui veut être parmi les gagnants dans cette vie-là et parmi les gagnants dans l'au-delà, il veut pas que Allah il le laisse tomber dans cette vie-là ni dans l'au-delà, et qu'il veut parmi les gens du paradis, faut qu'il applique trois choses, sous lesquelles il y a plusieurs choses, et ça va être Inch'Allah, le sujet du cours aujourd'hui. Donc la première chose que la personne faut qu'elle applique, ça va être parmi les sauvés dans cette vie-là et dans l'au-delà. La première chose, c'est le tawhid. Cette personne-là doit adorer Allah sans rien lui associer. C'est pour ça qu'Allah a dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira. La tabdila li kalimati Allah. Dhalika huwa al-fawzu al-azim. » Allah dit dans ce verset, et certes les alliés d'Allah, ils n'auront pas pris de tristesse dans cette vie-là. Ils auront leur récompense. Ils seront pas pris de peur ni de tristesse dans cette vie-là. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu, ceux qui ont cru à Allah et qui ont cru au messager d'Allah, qu'ils ont cru au livre d'Allah et qu'ils ont cru à l'au-delà et qu'ils ont cru au paradis et à l'enfer. وَكَانُوا يَتَّقُونَ Ils étaient aussi parmi les pieux. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Ils auront la bonne annonce dans cette vie-là. وَفِي الْآخِرَةِ Ils auront aussi la bonne annonce dans l'au-delà. Ça veut dire qu'ils seront parmi les gens du paradis. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ Et certes, la parole d'Allah, elle ne changera pas. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Et c'est ça, la grande récompense. Donc, la grande récompense, hein, ça pour ces gens-là qui ont cru et qu'ils étaient parmi les pieux. Et Allah Yassoui dit dans un verset, Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. C'est qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah et qu'ils se sont mis sur le droit chemin. Tatanazzalu alayhimul malaika. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Les anges vont descendre vers eux au moment de leur mort. Et vous leur dire, n'ayez pas peur, et ne soyez pas pris de tristesse. Ou abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et la bonne annonce du paradis qu'on vous a promis. Ça, c'est pour les gens qui se sont mis sur le droit chemin, qui ont adoré Allah, et qui lui ont donné aucun associé, et qui sont morts sur cette chose-là, sans faire aucune association, et qui se sont mis complètement à Allah. Et Allah aussi dit dans un verset, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ceux qui ont cru en Allah et que leurs âmes, ils ne sont pas fait injustice en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'association, ils auront la bonne récompense, la bonne annonce dans cette vie-là et dans l'au-delà. Pour ça qu'Allah aussi dit وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Et votre seule divinité est Allah. Soumettez-vous à lui et donnez la bonne annonce à ceux qui reviennent humiliés vers Allah. Allah aussi dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Qu'ils ont cru en Allah et qu'ils ont fait des bonnes œuvres et qu'ils sont revenus humiliés vers Allah, ils seront parmi les gens du paradis, ils seront au paradis éternellement. Donc ça, c'est pour toute personne qui est mort sur le tawhid, qui est mort et qui a adoré Allah sans rien lui associer. Et qu'ils ont appliqué le verset où Allah a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Qu'ils ont appliqué le verset où Allah a dit, et je n'ai créé les démons et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah, c'est lui qui mérite l'adoration parce que c'est lui qui a tout créé. Les djinns et les êtres humains. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah, c'est lui qui mérite l'adoration, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Allah dit dans un verset, Allahu khaliqu kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui est garant sur toutes choses. Et Allah aussi dit dans un verset, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. ثم استوى على العرش puis qui s'est établi sur son trône. Allah aussi dit dans un verset ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. Allah dit dans ce verset et voici Allah qui est votre Seigneur, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est que lui, et c'est lui qui a tout créé, donc adorez-le. Donc Allah, c'est lui qui a tout créé, donc c'est pour ça que c'est lui qui mérite l'adoration et qui mérite qu'on se soumette à lui sans rien lui associer. Et Allah aussi, c'est lui qui t'a créé pour que tu l'adores. C'est pour ça qu'Allah dit, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah dit dans ce verset, comment vous pouvez mécroire en Allah alors que c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui, vous a, qui va vous faire mourir et qui va vous faire revivre et c'est vers lui que vous allez retourner. Et Allah dit aussi dans un verset, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Oh toi l'homme, c'est qui t'a trompé de ton Seigneur alors que c'est lui qui t'a créé. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. C'est lui qui t'a créé de la meilleure des créations. Donc Allah, c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a créé l'homme pour que l'homme, il adore et qu'il lui donne aucun associé. Il lui donne aucun associé qu'il adore lui seul. Car celui qui donne un associé à Allah, certes, il a fait la plus pire des choses. C'est pour ça qu'Allah a dit, إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. L'association est une grande injustice. Donc c'est une injustice que l'homme, il donne un associé à Allah alors que c'est Allah qui l'a créé. Allah dit dans un verset, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Allah dit dans ce verset, celui qui donne un associé à Allah, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah va lui interdire le paradis. Allah va lui interdire le paradis, sa demeure ce sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Donc toute personne qui a donné un associé à Allah, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit un homme, ou que ce soit une tombe, ou n'importe quelle chose, cette personne-là ne rentrera jamais au paradis, bien sûr s'il est mort sur cette chose-là. Mais celui qui a fait son repentir avant de mourir et qui après s'est soumis à Allah, Allah il va lui pardonner. Mais celui qui est mort sur cette chose-là, Allah il ne le pardonnera pas. Il est venu dans un hadith d'Ibn Mas'ud. Il dit, j'ai demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le pire des péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, il a dit, que tu donnes à Allah un associé alors que Allah c'est lui qui t'a créé. Donc la pire des choses c'est que la personne a donné un associé à Allah. Le plus grand des péchés c'est donner un associé à Allah et celui qui fait ça, Allah il va jamais lui pardonner s'il est mort sur cette chose-là. C'est pour ça qu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah. Allah dit dans ce verset, Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Et celui qui donne un associé à Allah, il sert dans un égarement lointain. Donc, cette chose-là, il faut l'appliquer, qui est le tawhid. Et le tawhid, c'est un droit qu'Allah il a sur nous. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal. Il dit, j'étais derrière le prophète sallam sur un âne. Le prophète sallam, il m'a dit, Ya Mu'ad, est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses créateurs et le droit des créateurs sur Allah, de ses créatures? Est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah? Il a dit, Allah et son prophète, ils le savent mieux. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est que lui, il l'adore et que lui donne aucun associé. Donc Allah, c'est un droit qu'il a sur nous, qu'on l'adore sans lui donner aucun associé. Et comme on a dit, celui qui donne un associé à Allah, c'est le pire des péchés, et Allah, il ne lui pardonnera pas. Donc c'est pour ça qu'Allah dit dans un verset, فَأَكِمْ وَجَهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا. Soumets ton être à la religion d'Allah. Et Allah, il dit dans un autre verset aussi, فَأَكِمْ وَجَهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يا الله يدوسي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. Celui qui soumet son visage à Allah et qui est parmi les bienfaisants, il s'est certes accroché à la lance la plus ferme. Donc pour tous on se soumette à Allah et qu'on meure sur cette chose là comme on a vu dans le verset où Allah dit, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous les croyants, craignez d'Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en étant sur une pleine soumission. Et pour cette chose-là, le tawhid qui est le tawhid, Allah il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses livres. Allah dit dans un verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit dans ce verset, et à chaque communauté on a envoyé un prophète pour qu'ils adorent Allah et qu'ils s'écartent du Tarot. Et l'un des sens du Tarot, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, dans un des sens du Tarot. Et Allah dit aussi dans un verset, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُنُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Allah dit dans ce verset, on n'a pas envoyé un prophète sans qu'on lui révèle qu'il n'y a pas de divinité d'adoration si ce n'est que moi, et adorez-moi. Donc Allah, il a envoyé tous les prophètes, il a envoyé tous ses livres pour que les gens, ils adorent Allah sans rien lui associer. Et la deuxième chose que chaque personne elle doit appliquer si elle veut être sauvée dans cette vie-là et dans l'au-delà, après avoir adoré Allah sans rien lui associer, c'est suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas suivre un autre chemin que son chemin. C'est pour ça qu'Allah a dit « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولُنَا يُبَيِّنَ لَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah dit dans ce verset, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, ô vous les gens du livre, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنَ لَكُمْ. Certes, un verset, un messager est venu de notre part. يُبَيِّنَ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ. Et il vous montre, il vous démontre beaucoup de choses que vous avez cachées dans les livres. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Certes, Allah, il est venu vers vous une lumière et un livre évident. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Et par ce livre, Allah, il vous guide vers les chemins de la paix. ويخرجه من الظلمات إلى النور. Et vous fait sortir des ténèbres vers la lumière. ويهديهم إلى صراط مستقيم. Et il les guide vers le chemin droit. Et Allah aussi dit dans un verset, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah dit, si vraiment vous aimez Allah, si vraiment vous aimez Allah, et bien suivez-moi. Allah va vous aimer, il va vous pardonner, vos péchés. Donc si vraiment on aime Allah, on doit suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit s'écarter de tout autre chemin qui est au contraire avec le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit aussi, pour atti'u Allah wa Rasul, et obéissez à Allah et obéissez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah aussi dit, O man yuti'u Allah wa Rasul, fa'ulaika ma'alladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada et wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah dit dans ce verset, celui qui obéit à Allah et qui obéit au prophète qu'il a envoyé vers nous, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi les gens qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi les prophètes, et parmi les véridiques, et parmi les martyrs, et parmi les gens qui ont fait des bonnes œuvres. Donc si tu veux être au plus haut degré du paradis, et si tu veux être avec les prophètes et les véridiques, et les martyrs et les pieux, obéis à Allah, et obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu seras parmi eux. Et Allah aussi dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Celui qui obéit à Allah et à son prophète, il va le faire rentrer dans un paradis sous lequel il coule des ruisseaux. Donc si tu veux être parmi les gens du paradis, obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et obéis à Allah. Parce que celui qui s'écarte de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a peur pour lui du châtiment d'Allah. Parce qu'Allah dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'écartent, qui divergent avec l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils fassent attention qu'il leur arrive une tentation ou qu'il leur touche un châtiment douloureux. Allah aussi dit aussi, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ce que les choses avec lesquelles le prophète sallam il est venu vers vous, prenez-les. Et ce qui vous a interdit, écartez-vous de ces choses-là. Wattaqullah et craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah il est dur en punition. Et Allah aussi dit dans un verset, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah dit dans ce verset, et nous par ton Seigneur, ils ne seront pas des vrais croyants jusqu'à ce qu'ils prennent, ils te prennent comme juge sur les choses dans lesquelles ils ont divergé. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Et après ça, ils n'auront aucun regret dans leur cœur ou à l'intérieur de eux-mêmes, au yusallim ou taslima, ils vont se soumettre d'une pleine soumission. Donc celui qui se soumet à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, il sera parmi les gens du paradis. C'est pour ça qu'Allah dit dans un verset aussi, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعِي لَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Il est certes, il dit dans le verset Allah, la parole des croyants, quand ils sont appelés vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour juger sur les choses dans lesquelles ils ont divergé dans le sens du verset, elle doit être sami'ana wa ata'ana. On a entendu et on a obéi. Et celui qui entend la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se soumet à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui après il applique cette parole-là, il sera parmi les gens du paradis. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un verset, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, de ma tradition, il n'est pas parmi les miens. Donc celui qui s'écarte du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parmi ceux qui sont sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit, وَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لِوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui s'écarte du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants qui sont sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va le laisser avec ce qu'il a choisi, avec ce qu'il aura suivi, وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ, et on va le faire glisser en enfer, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise demeure. Donc toute personne qui s'écarte du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi les gens égarés, il sera parmi les gens qui mériteront l'enfer que Allah il a préparé pour eux. Allah il dit aussi dans un verset, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, Taraktukum ala mithlil bayda, layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous montre dans ce hadith qu'il nous a laissé sur la blancheur, il nous a laissé sur la clarté, il nous a laissé sur la meilleure des choses. Et que toute personne qui s'écartera de cette blancheur-là, il sera parmi les gens qui ont voulu se détruire eux-mêmes. Ils seront parmi les gens égarés. Ils seront parmi les gens qui mériteront l'enfer d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Donc Allah nous montre dans ce verset-là que toute personne qui s'écartera du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui désobéira à Allah et qui va désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a peur pour lui qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Même si après il sortira de l'enfer, mais il méritera l'enfer pour le péché qu'il a fait, qui s'est égaré et qui s'est écarté du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah ici, il dit dans un verset, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُ وَيَخْشَى اللَّهُ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui obéit à Allah et qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui craint Allah, il sera parmi les gagnants. Donc si tu veux être parmi les gagnants, adore Allah sans rien lui associer. Obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne le désobéis pas. Et suis le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suis pas un autre chemin à part ce chemin-là et tu seras parmi les gagnants. Mais le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'adoration d'Allah, d'abord l'adoration d'Allah plutôt, et le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit le suivre sur la compréhension des salafs. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent, Nous, nous suivons le chemin d'Allah et nous suivons le chemin du prophète Mohammed sallam. Mais ces gens-là, ils sont parmi les gens qui ont fait des innovations. Ils sont parmi les gens qui se sont écartés du chemin que Allah nous a montré. Parce qu'Allah dit dans un verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit dans ce verset, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai choisi pour vous la religion de l'islam. Donc Allah, il a complété la religion de l'islam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le temps où il y avait les compagnons. Donc il n'y a personne qui a droit d'en rajouter et qui a droit de diminuer. Donc c'est pour ça que nous on doit suivre le chemin d'Allah et le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la compréhension des salafs. Sur la compréhension des salafs. Et ça c'est la troisième chose que la personne doit appliquer si elle veut être parmi les gagnants et elle veut être parmi les sauvés dans cette vie-là et dans le-delà. La personne va être sauvée de l'égarement et elle va être sauvée de toutes les innovations et de toutes choses qui divergent avec le Coran et la Sunna, avec le livre d'Allah et la traduction du prophète Mohammed sallam. Donc elle sera préservée dans cette vie-là, elle sera parmi les gens de la vraie guidance et les gens qui sont sur la vérité, et dans l'au-delà elle sera parmi les gens qui sont protégés du châtiment d'Allah et qui sont protégés de la colère d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, dans le hadith de Irbad ibn Sariya, il dit que le prophète moi dit wa'adna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha zarafat jawwa zarafat min al'uyun zarafat min al'qulub zarafat min al'uyun wa wajilat minha al'qulub. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un rappel qui a fait trembler notre cœur et qui a fait couler les larmes de nos yeux. Et un homme il s'est levé, il a dit Ya Rasulullah, ka'anna maw'idatan baligha, fa madha ta'ahada alayna. Il y a un homme qui s'est levé, il a dit au prophète d'Allah, au messager d'Allah, c'est comme si c'était le dernier des discours que tu nous fais, donc c'est quoi que tu nous conseilles? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, usikum bi taqwallah, wa sami' wa ta'a, wa in 'abdan habashiyan. Le prophète Sassam, il a dit, je vous conseille de craindre Allah. Et je vous conseille d'écouter et d'obéir. Et même si c'est un homme éthiopien qui dit un ordre. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Parce que celui qui va vivre parmi vous, il va avoir beaucoup de divergences. Il va avoir beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. À vous ma sunna. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها فتمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. Le professeur Sahim il a dit à vous ma sunna, accrochez-vous à ma sunna et accrochez-vous-y avec vos molaires. Accrochez-vous aussi à la sunna des califes qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Le professeur Sahim il nous a dit, il a conseillé ses compagnons, et comme il nous conseille à nous aussi, de s'accrocher à sa sunna, et à la sunna des compagnons qui étaient après lui. Pourquoi il nous a conseillé ça? Parce qu'ils étaient aussi, eux, sur la même sunna que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était. Ils étaient sur sa même tradition, et ils étaient sur la vérité. Donc il a dit, alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, tamastakou biha, abdu alayha bin nawajib. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Il a dit, faites attention à toutes les inventions. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Car toute invention est égarement, car toute invention est innovation. Donc celui qui veut être sur le droit chemin, qui veut être sur le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le chemin des salafs, les pieux prédécesseurs, il va être sur le chemin des compagnons qui s'accrochent à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il adore Allah, ses associés, et qu'il s'accroche à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'écarte de toute innovation, qu'il s'écarte de toute personne qui a innové, et de tous les gens qui ont innové, et qu'il s'écarte de toute innovation, parce que si il va vers ces innovations-là, il sera parmi les gens qui sont égarés dans cette vie-là, et qui seront parmi les égarés dans le delà. C'est pour ça qu'Allah a dit, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله يجي أكوبانيون إسي يكواف إسي يسون كويان sur les choses dans lesquelles vous avez cru, ils seront parmi les gens qui sont sur le droit chemin. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Et s'ils refusent, ils seront certes dans un autre, sur un autre chemin. Donc, on doit tous être sur le chemin des salafs. On doit tous être sur le chemin des pieux prédécesseurs qui étaient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs ce sont ceux qui sont dans mon temps, et ceux qui seront après eux, et ceux qui seront après eux. Donc ceux qui seront, que ceux qui vont suivre le chemin des compagnons, et le chemin de ceux qui étaient après les compagnons, et le chemin de ceux qui étaient après ceux qui étaient après les compagnons, ils seront sur le droit chemin. Ceux qui n'auront rien changé, qu'ils n'auront rien diminué, et qu'ils n'auront rien rajouté, ils seront sur le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah dit dans un verset, « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Il dit Allah qu'il est satisfait de ceux qui seront sur le chemin des compagnons. والسابقون الأولون, ceux qui étaient les premiers. من المهاجرين والأنصار, parmi les émigrés, ceux qui ont émigré avec le prophète Mohammed sallam et ceux qui étaient à Médine. والذين اتبعوهم بإحسان, et ceux qui les ont suivis dans le bien. رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits d'Allah. Mais pour être parmi ceux qui sont satisfaits d'Allah, faut suivre leur chemin sans rien rajouter, sans rien diminuer et sans rien changer. C'est pour ça qu'Allah a dit فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Accroche-toi sur ce qu'on a révélé vers toi, car certes tu es sur le droit chemin. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est accroché sur la révélation qu'Allah lui a révélée. Et ceux qui étaient après lui, ses compagnons, ils se sont accrochés à cette chose-là, donc ils étaient sur le droit chemin. Et c'est pour ça qu'Allah il a fait leurs éloges. Et c'est pour ça qu'Allah il a été satisfait d'eux, et que eux ils ont été satisfaits de lui, et qu'ils ont été parmi les gens du paradis. Et Allah ici, il dit dans un verset, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah dit dans ce verset, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ, mets-toi sur le droit chemin comme il t'a été ordonné, il t'a été ordonné à toi et à ceux qui reviendront, qui se repentent avec toi. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Ils n'allaient pas vers ceux qui ont fait de l'injustice, qui ont fait de l'injustice à eux-mêmes. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, parce que sinon le feu de l'enfer va vous toucher. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et qu'après ça vous aurez aucun allié auprès d'Allah. Et personne ne pourra vous secourir. Donc celui qui s'écarte du chemin des pieux prédécesseurs, il va s'écarter du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui s'écarte du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va s'écarter du chemin d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait. Et il a dit, « Hada sabilullah ». Il a dit, ce trait-là, c'est le chemin d'Allah. Et qu'après ça, il a tracé des traits à sa gauche et à sa droite. À la droite de ce trait-là, et à la gauche de ce trait-là. Et il a dit, Hadi subul shaytan. Il a dit que ce chemin-là, c'est le chemin. Hadi subul mutafarriqa. Il a dit, ça, c'est des chemins séparés. Des chemins égarés. Alayha minha shaytan. Et qu'à chaque chemin de ces, à chaque trait de ce chemin-là, il y a un shaitan qui appelle à ce chemin-là. Donc le chemin d'Allah, c'est un seul chemin. Le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un seul chemin. Et le chemin des pieux prédécesseurs, c'est un seul chemin. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, وَأَنَّ هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et après ça, le prophète صلى الله عليه وسلم a lu le verset où Allah dit: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Et ce chemin-là, c'est mon chemin, suivez-le. ولا تتبعوا السبل. Et ne suivez pas les autres chemins. فتفرق بكم عن سبيله. Parce que certes, vous allez vous séparer de, avec ces chemins-là. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et c'est ça qu'on vous conseille si vraiment vous êtes des pieux. Donc celui qui est pieux, il suit le chemin des pieux prédécesseurs, il suit le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il suit le chemin d'Allah. Et tous ces chemins-là, c'est un seul chemin. Le chemin d'Allah, c'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin. pour lui, on a peur pour lui qu'il rentre en enfer parce qu'il s'est égaré et parce que il s'est mis sur un autre chemin que le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit un verset, Allah dit, est-ce que tu as vu celui qui a suivi ses passions, qui a pris ses passions comme divinité? Donc celui qui est pas sur le chemin d'Allah et pas sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le chemin des plus prédécesseurs, il sera sur le chemin de ses passions. Il va suivre ses passions, il va s'écarter de la vérité, il va s'écarter de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va s'écarter du chemin des pieux prédécesseurs. Et cette personne-là, on a peur pour lui qu'il va en enfer. On a peur pour lui qu'il va en enfer, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, « Taraktukum ala al-bayda, layluha ala mithli bayda, layluha kam nahariha, la yaziru anha illa halik. » Il dit, je vous ai laissé sur la blancheur. Il nous montre qu'il nous a laissé sur la blancheur, qui est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le chemin des pieux prédécesseurs, et que celui qui va s'écarter de cette blancheur-là et de cette tradition qui est la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se sera détruit lui-même. Il se sera mis lui-même sur l'égarement. Donc faut tous les croyants et tous les croyantes et tous ceux qui veulent être parmi les gens du paradis, qui s'accrochent à Allah, qui s'accrochent à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'accroche au chemin des pieux prédécesseurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, « La tazalu ta'ifatum min ummati ala al-haqq zahirin, la yadurruhum man khadalahum, wa la man khalafahum, hatta ya'tiya amurullah, wa hum ala thalik. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne va pas cesser un groupe parmi les gens de ma communauté qui seront sur la vérité et qui seront voyants. La yadurruhum man khadalahum. Et que ça va pas leur faire du mal si les gens les laissent tomber. Wala man khalafahum. Et ça va pas leur faire du mal aussi ceux qui auront divergé avec eux. Hatta ya'tiya amurullah wa hum ala dhalik. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah et que eux, ils seront sur cette chose-là. Donc il y aura toujours un groupe qui sera sur la vérité. Il y aura toujours un groupe qui va s'accrocher à Allah. Il y aura toujours un groupe qui va s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au chemin des pieux prédécesseurs, alors que la plupart des gens, ils seront sur l'égarement. La plupart des gens, ils seront vers la dunya et vers la vie, vers l'argent, vers les femmes, vers les maisons et vers les voitures, et qui seront dans la désobéissance d'Allah, et que ces gens-là aussi, ils seront loin de la religion d'Allah. Il y aura toujours des gens qui seront sur la vérité pendant que ces gens-là ils seront loin. Et si tu veux être parmi ces gens-là qui sont sur cette vérité-là, qui seront sur la vérité pendant que les gens ils seront égarés, accroche-toi à Allah. Accroche-toi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa tradition. Et accroche-toi au chemin des pieux prédécesseurs. Accroche-toi au chemin des pieux prédécesseurs si tu veux être parmi les gens de la vérité. Et je te rappelle le verset où Allah dit, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله يدي dans ce verset, ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui après ça ils se sont mis sur le droit chemin, au moment de leur mort les anges vont venir vers eux et vont leur dire, لا تخافوا ولا تحزنوا, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. Le sens du verset, c'est qu'ils leur disent de ne pas avoir peur vers où ils vont aller. Car ces gens-là, ils seront parmi les gens du paradis. Et ne soyez pas attristés de ce que vous allez délaisser dans cette vie-là. Parce que la chose dont vous allez vers, c'est la meilleure des choses. وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Et soyez heureux pour l'annonce qu'on vous donne, qui est l'annonce du paradis qu'on vous a promis. Donc ces gens-là qui se sont mis sur le droit chemin, ils seront parmi les gens du paradis. Et si tu veux être parmi les gens de la vérité, reste avec les gens de la vérité et va vers les gens qui sont sur la vérité et assieds-toi avec les gens qui sont sur la vérité. Car Allah est dit, « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Il dit, fais patienter ton âme avec les gens qui invoquent Allah de nuit comme de jour. Et qui veulent le visage d'Allah. Et ne tourne pas tes yeux d'eux en voulant les bienfaits de cette vie-là. Et ne suis pas celui qu'on a fermé son cœur de notre rappel. Donc, si tu veux être parmi les gens de la vérité, va vers les gens qui sont sur la vérité et assis-toi et suis les gens qui sont sur la vérité et patiente. Et patiente, parce que quand tu vas prendre le chemin de la vérité, les gens ils vont te faire du mal. Les gens ils vont mentir sur toi. Les gens ils vont vouloir t'écarter du droit chemin. C'est pour ça qu'Allah a dit « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Et si tu obéis à la plupart des gens qui sont sur terre, ils vont t'écarter du chemin d'Allah. Parce que la plupart des gens qui sont sur terre, ils sont égarés. Les mécréants, ils sont plus nombreux que les ceux qui sont soumis à Allah et qu'ils ont, choisi l'islam comme religion. Et parmi les gens qui ont choisi l'islam comme religion, il y en a peu parmi eux qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces gens-là aussi, il y en a peu parmi eux qui suivent le chemin des pieux prédécesseurs. Il y en a peu parmi eux qui suivent le chemin des pieux prédécesseurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Et bien sûr, ceux qui suivent pas le chemin des pieux prédécesseurs, ils n'auront pas suivi la sunna. Mais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous suivons le Coran et la sunna, mais ils ne suivent pas le Coran et la sunna sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça que Ibn Abbas, le compagnon Ibn Abbas, il dit dans une parole, la tujalisu ahl al-bid'ah. Il dit, asseyez-vous pas avec les gens de la passion, qui sont les gens de l'innovation, car le fait de s'asseoir avec eux, c'est une maladie pour les cœurs. Donc il faut qu'on s'assoie avec les gens qui sont sur la vérité. Il faut qu'on s'assoie avec les gens qui sont sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le chemin du pieux prédécesseur, si on veut être sur la vérité. Et là, je mets une parenthèse sur ceux qui mettent en garde contre les gens qui sont sur la sunna et les gens qui sont sur la vérité. Le fait de mettre en garde contre les gens qui sont sur la vérité et couper le chemin de ceux qui coupent le chemin de ceux qui veulent venir vers les gens de la vérité, c'est une chose terrible et une chose grave parce que Allah a dit وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et vous allez goûter le mauvais châtiment, parce que vous avez coupé le chemin de ceux qui ont voulu venir vers le droit chemin, dans le sens du verset. Donc toute personne qui va couper le chemin de ceux qui veulent venir vers le droit chemin, vers le chemin d'Allah, vers le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vers le chemin des pieux prédécesseurs, on a peur pour lui qu'Allah le fasse rentrer en enfer. Donc toute personne qui veut mettre en garde contre les gens qui sont sur la vérité et les gens qui sont sur le chemin d'Allah et le chemin des pieux prédécesseurs, cette personne-là, on a peur pour lui d'un châtiment terrible. On a peur pour lui d'un châtiment terrible. Et c'est pour ça qu'on a peur pour ceux qui mettent en garde contre Dammaj. Les gens qui mettent en garde contre Dammaj, ils rentrent dans le verset où Allah dit qu'il va leur donner un châtiment douloureux. Car les gens qui sont à Dammaj, ils sont sur la vérité. Ils sont sur le chemin d'Allah et sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils suivent le chemin des pieux prédécesseurs. Ils mettent en garde contre tous ceux qui sont écartés du chemin des pieux prédécesseurs et qu'ils ont inventé dans la religion d'Allah, qu'ils ont fait des innovations et qui se sont écartés du chemin d'Allah azzawajal. Qui se sont écartés du chemin d'Allah azzawajal. Allah dit dans un verset, « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min duni awliya, qalilan ma tadhakkaroun. » Allah dit dans ce verset-là, suivez ce qui a été révélé vers vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Donc on doit suivre le chemin d'Allah. On doit suivre le chemin qui a été, on doit suivre ce qui a été révélé d'Allah, qui a été révélé de la part d'Allah vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on veut être parmi les gens qui sont sur la vérité. Allah est dit dans un verset, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour, dans le sens du verset, craignez le jour où vous allez tous revenir vers Allah et que chaque âme sera compensée pour ce qu'elle aura fait et qu'elle ne sera pas pris d'injustice. Donc il faut qu'on craigne Allah et qu'on craigne le jour où on va revenir vers Allah et si on veut réussir et on veut être parmi les gagnants, le jour où on va rencontrer Allah, il faut qu'on suive le chemin d'Allah, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le chemin des pieux prédécesseurs. Allah a dit dans un autre verset, استجيبوا لربكم من قبل أن يأتيكم لا مرد له من الله. Dans le sens du verset, Allah a dit, répondez à l'appel d'Allah avant qu'un jour il vienne et que personne pourra faire retourner ce jour à part Allah. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. Ce jour-là, il n'y aura personne. Ce jour-là, il n'y aura personne qui pourra vous protéger et vous aurez aucun secours auprès d'Allah Azzawajal. Donc il faut qu'on craigne le jour où on va revenir vers Allah et le jour où on va tous revenir vers Allah et qu'il y aura une partie des gens qui seront parmi les gens de l'enfer et une partie des gens qui seront parmi les gens du paradis. Ceux qui seront au paradis, ce seront ceux qui ont reçu la vérité. Et les gens de l'enfer, ce sera ceux qui auront suivi le faux et qui se seront écartés de la vérité. C'est pour ça qu'Allah a dit, يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ أَيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah nous montre dans ce verset-là que ceux qui auront le verset, les visages blancs, le jour de la résurrection, ce sera ceux qui auront suivi le droit chemin, et ces gens-là, ils seront sur la miséricorde d'Allah. Par contre, ceux qui auront le visage sombre, le visage noir, ce seront ceux qui auront mécru et qui se seront écartés du chemin d'Allah et des vers d'Allah, et ces gens-là, ils auront un châtiment douloureux. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger de l'enfer et de nous protéger de l'égarement et de nous faciliter de suivre son chemin et de suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le chemin des pieux prédécesseurs et de nous faire mourir sur cette chose-là jusqu'à ce qu'on le raconte. Walhamdulillah.